Ils se regardent beaucoup, ils sont beaux. C'est pour ça qu'ils se regardent. bonne appât toi aussi. Si c'est l'heure de manger, il faut manger. Hein.